bye bye, chicken boom bye bye. Boom bye bye, chicken boom bye bye. J'crois que la haine a remplacé l'amour. Le sang coule en bas de la tour. Avec le gang, on a fait les 400 coups. On partait pour se battre en cours. Le sale est fait, maintenant nos voitures sont propres. Chantier du coq, je représente sans baisser le froc. Quand sonnera l'heure, on ira se relaxer. Mais pour l'instant, je continue de les tabasser. Après la guerre, rien à faire, je retourne sur mes terres. Pour niquer les keufs, de temps en temps, je baise une policière. Après le crime, je fume une clope, je repense à la scène. Je retourne à la tête, je brûle mes sables, je reprends les affaires. Dans le chin, en caron, cet enfoiré fait du karaté. Sur ma paire de gants, y'a du sang, de la street, j'ai pris mes codes, ouais. Broly dans le jean, nos garous, cet enfoiré fait du karaté. Ouais, chez nous c'est la fête, avec rien sans ambiance. Issu de la chingue, dans le 91. Boom bye bye, chicken boom bye bye. Boom bye bye, chicken boom bye bye. Jeune, violent et têtu, têtu. Bitch, joue pas la tisse, mais jamais. Tu couches sinon, Uber. Uber. Encore un tube, sa mère. Oui, ça sent la sasem. Voilà. C'est moi qui donne les ans. Voilà. Côté, tu bats la ferme. Aristocratie dans le bendo, c'est la fête. Avant, c'était les machettes. Machette. Maintenant, on manie la gâchette. Gâchette. Les ennemis ont changé de cachette. Ah, oui. Numéro 1 dans le game, j'ai la recette. Avant, c'était la disette. Depuis que je les baise en brochette. Maintenant, il pleut des pépettes. Y'a des impacts sur mon corps et des impacts sur ma berline. J'ai rêvé du disque d'or, sur mon mur j'ai mis du platine. Attends que c'était ça mon sort, faire des milliers de livres sterling. Faut que j'entame une nouvelle page avant que le livre se termine. Folie dans le chin, en cas où cet enfoiré fait du karaté. Sur ma paire de gants, y'a du sang, de la street j'ai pris mes codes, ouais. Broly dans le gym, nos carousses d'enfoiré fait du karaté. Ouais, chez nous c'est la fête, avec rien sans ambiance. Issu de la chingue, dans le 91. Boom bye bye, chicken boom bye bye. Boom bye bye, chicken boom bye bye. Boom bye bye, chicken boom bye bye. De la street au paradis, y'a qu'une route qui t'emmène. Ne pas traîner avec nous, ça évite les emmerdes.